Une idylle dans la savane, récit du capitaine R, par Henryk Sienkiewicz. Lors de mon séjour en Californie, j'allais un jour, en compagnie de mon digne et brave ami, le capitaine R, voir un compatriote qui demeurait dans les montagnes sauvages de Sainte-Lucie. Ce dernier était absent, et il nous fallut malgré nous l'attendre pendant 5 jours dans une gorge déserte, sans autre société que celle d'un vieux domestique indien chargé de surveiller les abeilles et les chèvres angora. Adoptant les habitudes locales, je dormais la plus grande partie du jour. La nuit, devant un feu de branches sèches, j'écoutais les récits d'aventures du capitaine, aventures que seuls peuvent réserver à un homme les déserts de l'Amérique. Le temps passait fort agréablement. Les nuits étaient bien californiennes, calmes, sombres, étoilées. Le brasier, en se ravivant, jetait de temps en temps une flamme ardente dont s'éclairait la puissante et noble carrure du vieux guerrier pionnier qui, les yeux levés vers le ciel, cherchait parmi ses souvenirs des noms de lieux et de personnes qui lui étaient chères. C'est un de ces souvenirs que je transcris ici, aussi simplement qu'il m'a été conté, et dans l'espoir que le lecteur l'accueillera avec le même intérêt. Chapitre 1er. J'arrivai en Amérique en 1849, débuta le capitaine, et me trouvai à la Nouvelle-Orléans, qui à cette époque était encore une ville à moitié française. Je me rendis de là aux sources du Mississippi, dans une grande plantation de sucre où je trouvais du travail bien rémunéré. J'étais jeune et rempli d'initiative. M'ennuyant donc de rester à la même place et de m'occuper d'écriture, j'abandonnai tout cela et pris le chemin de la forêt. Avec des camarades, je passai plusieurs années au milieu des lacs, des crocodiles, des serpents et des moustiques de la Louisiane. Nous vivions de chasse et de pêche, nous faisions charrier par le fleuve de grands radeaux de bois jusqu'à la Nouvelle-Orléans, où nous en avions un excellent débouché. Le champ de notre activité était très vaste. Parfois, nous poussions jusqu'au Bloody Arkansas, encore peu habité aujourd'hui, mais qui était à cette époque un véritable désert. Cette existence remplie de peines et de dangers, d'escarmouches sanglantes avec les pirates du Mississippi, avec les Indiens, alors assez nombreux dans la Louisiane, l'Arkansas et le Tennessee, avait trempé ma force et ma santé, déjà passablement robuste, et m'avait si bien familiarisé avec la savane que je pouvais lire dans ce grand livre aussi bien que n'importe quel guerrier peau rouge. Quand, après la découverte de l'or en Californie, de fortes colonnes d'émigrés commencèrent à arriver presque chaque jour de Boston, New York, Philadelphie et autres villes orientales, l'une d'elles, confiante en mon savoir, me demanda d'être son chef, ou, comme on dit chez nous, son capitaine. J'y consentis volontiers. Alors on disait merveille de la Californie. Depuis longtemps, j'avais l'intention de me lancer vers le Far West, bien que j'eusse parfaitement conscience des dangers de mon entreprise. On peut aujourd'hui franchir, en une semaine de chemin de fer, la distance qui sépare New York de San Francisco. Mais alors, il en était autrement. Toutes ces villes, ces bourgs disséminés comme des grains de pavot entre New York et Chicago n'existaient pas. Et Chicago même n'a surgi que plus tard, comme un champignon après la pluie. Montant, c'était un méchant village de pêcheurs, parfaitement inconnu et dont il n'était fait mention sur aucune carte. Il fallait voyager avec des charrettes et des mules, en caravane, à travers une contrée absolument sauvage, peuplée de redoutables tribus indiennes, les corbeaux, les pieds noirs, les sioux, les ponies, et il était presque impossible à une troupe un peu nombreuse de les éviter. Les Indiens ne restaient d'ailleurs que fort peu de temps à la même place et circulaient sur toute l'étendue de la prairie à la suite des troupeaux de bisons et d'antilopes. Une route pleine de périls s'ouvrait devant nous, mais quiconque voulait se rendre dans l'extrême occident devait être prêt à tout et savoir qu'il aurait à risquer plus d'une fois sa vie. Ce que je redoutais le plus, c'était la responsabilité que j'assumais, mais l'affaire était conclue et il ne restait plus qu'à se préparer pour le voyage. Ces préparatifs durèrent 2 mois. Il fallait faire venir des charrettes de Pennsylvanie et de Pittsburgh, acheter des mules, des chevaux, des armes et faire des approvisionnements. Tout était prêt pour la fin de l'hiver. Je voulais partir de façon à traverser au printemps l'immense prairie qui s'étend entre le Mississippi et les montagnes rocheuses. Je savais en effet que, dans la saison estivale, les grandes chaleurs qui règnent sur ce vaste espace découvert causent des maladies nombreuses. aussi décidai-je de conduire la caravane, non par la route du sud vers Saint-Louis, mais par Iowa, Nebraska et le Colorado du Nord. Bien que cette route ne nous garantît pas contre les attaques des Indiens, elle était la plus salubre. Tout d'abord, mon plan provoqua le mécontentement des émigrés. Mais lorsque je déclarai que s'ils ne voulaient pas suivre mes conseils, ils pouvaient se chercher un autre capitaine, ils s'apaisèrent et nous partîmes avec les premiers effluves du printemps. Ce fut pour moi des jours difficiles, tant que ces hommes ne furent pas faits à moi et aux nécessités du voyage. Je leur inspirai confiance, car mes aventures de l'Arkansas m'avaient rendu populaire parmi les populations nomades limitrophes, et le nom de Big Ralph, le Grand Ralph, sous lequel on me connaissait dans la savane, n'était pas ignoré de la plupart de mes compagnons. Mais en général, mon rôle de capitaine ou de chef me créait une situation souvent désagréable. Je devais rassembler la caravane pour la nuit, la surveiller pendant le jour, embrasser du regard tout le convoi, qui parfois s'étendait sur un bon mille. Il me fallait désigner la garde de nuit, régler le repos par série qui, à tour de rôle, montait sur les charrettes. Les Américains ont, inné, l'esprit d'organisation, mais en route, à mesure que les difficultés augmentent, leur énergie faiblit. La fatigue paralyse les plus forts, et alors personne n'a plus envie de caracoler le jour et la nuit de monter la garde. Tout le monde cherchait à éviter les corvées et à rester étendu des journées entières dans les voitures. De plus, je devais, dans mes rapports avec les Yankees, et tout en restant dans les limites de la camaraderie, imposer le respect qui m'était dû comme chef, ce qui n'était pas très facile. Pendant la marche et les haltes de nuit, j'étais maître absolu de la volonté de mes compagnons, tandis que pendant les haltes de jour, dans les fermes que nous rencontrions assez fréquemment au début de notre voyage, mon rôle de capitaine cessait. Chacun se sentait libre, et plus d'une fois je fus dans la nécessité de mettre à la raison des aventuriers arrogants. Toutefois, dès qu'ils furent convaincus que mon bras de Polonais était plus fort que leur bras américain, mon prestige s'accrut rapidement et je n'eus plus à réprimer aucun acte d'indiscipline. Enfin, je connaissais bien le caractère des Américains. Je savais comment il fallait s'y prendre avec eux. D'ailleurs, j'étais quelque peu encouragé par une paire d'yeux bleus qui, sous la tente d'un chariot, me regardait avec un intérêt particulier. Ses yeux, ainsi que la tête ornée d'une épaisse chevelure d'or, appartenaient à une jeune fille qui répondait au nom de Lillian Morris, originaire de Boston, dans le Massachusetts. C'était un petit être frêle, au visage presque enfantin, mais déjà triste. Cette tristesse, chez une aussi jeune fille, m'avait frappé dès le début de notre voyage. Mais bientôt, les nombreux soucis de ma charge avaient distrait mon attention. Les premières semaines, sauf le quotidien « Good morning », nous avions à peine échangé deux paroles. Lillian voyageait seule, elle n'avait ni parents ni amis dans la caravane, et je dus parfois rendre de petits services à la pauvre fillette. Il n'y avait aucune nécessité à la protéger de mon autorité de capitaine contre les importunités des jeunes gens. Chez les Américains, toute jeune femme peut compter parfaitement, sinon sur cette courtoisie un peu obsédante des Français, du moins sur un respect absolu. Mais elle paraissait si chétive que je crus nécessaire de la placer dans le meilleur chariot, avec le conducteur le plus expérimenté, Smith, de lui arranger moi-même le siège où elle pourrait dormir la nuit, et de lui donner, de ma réserve, une chaude fourrure de bison. Lillian acceptait ses services avec une vive reconnaissance et l'exprimait à toute occasion. C'était un être doux, sans la moindre malice. Deux femmes, Mrs. Gansfernor et tante Atkins, ses compagnes de voiture, s'attachèrent vite à elle. Elle l'appelait Little Bird, petit oiseau, et tout le convoi avait adopté ce nom. Malgré tout, il n'y eut entre moi et petit oiseau aucun rapprochement, jusqu'au moment où je remarquai une sympathie et une attention particulière dans ses yeux bleus quand elle les fixait sur moi. On pouvait expliquer ceci par le fait que, seul de nous tous, je me distinguais par une certaine allure mondaine. Lillian, qui était évidemment de bonne famille, voyait en moi un homme de sa condition. Mais je m'expliquais alors autrement son attention. Cela flattait mon amour-propre, ce qui me forçait à lui prêter plus d'attention moi-même et à jeter plus souvent un regard dans ses yeux. Bientôt, je me demandais comment j'avais pu ne pas remarquer plus tôt cet être adorable qui, d'ailleurs, faisait naître chez tout homme de cœur les meilleurs sentiments. Maintenant, je n'avais plus d'autre désir que de caracoler auprès du véhicule qui la portait. Aux heures méridiennes d'exténuante chaleur, quand les mules traînaient leur charge avec peine et que la caravane s'allongeait au point que, placée près de la première charrette, on pouvait à peine distinguer la dernière, souvent je galopais d'un bout à l'autre et j'éreintais sans nécessité mon cheval, rien que pour avoir l'occasion d'entrevoir une fois de plus la petite tête blonde et les charmants yeux dont j'avais l'esprit obsédé. Au début, mon imagination avait été empoignée plus fortement que mon cœur. Quand même, la pensée que parmi ces étrangers il existait une âme qui sympathisait avec moi me remplissait de courage et d'énergie. Peut-être n'y avait-il par là un sentiment de vanité, mais un besoin, propre à tous les hommes, de ne pas dépenser tout l'esprit et tout le cœur au service de choses vagues, comme l'été, les forêts, les prairies, et au lieu de se fondre dans l'espace, de se retrouver soi-même dans le cœur du prochain. Je me sentais moins isolé, et le voyage se présentait à moi sous un jour tout nouveau, inconnu jusque-là. Naguère, lorsque la caravane s'étirait à ce point que je perdais de vue les derniers chariots, je ne voyais là que de l'imprudence, du désordre, et je me fâchais fort. À présent, lorsque je m'arrêtais sur quelque élévation, la vue de ces véhicules blancs éclairés par le soleil, paraissant et disparaissant dans des flots d'herbe, la vue des cavaliers armés, disséminés dans un désordre pittoresque à travers la prairie, remplissait mon âme de joie et de félicité. Je ne sais trop d'où me venaient ces comparaisons, mais il me semblait être en présence d'un exode biblique, tandis que moi, le patriarche, je conduisais ces gens vers la terre promise. Les grelots des mules, les cris « Gadap » des conducteurs, résonnaient comme une musique à l'unisson de mes pensées, et ces pensées m'étaient dictées par le cœur et par la nature. Cependant, mes affaires avec Liliane n'allaient pas au-delà d'un échange de regards. La présence de ses compagnes me gênait. Et puis, dès l'instant où j'avais remarqué entre nous l'existence de quelque chose que je ne pouvais nommer, tout en sentant que cela était, une certaine timidité s'était emparée de moi. Je redoublais de soins pour les trois femmes, je jetais plus souvent un regard sous la tente de la voiture, je m'enquérais de la santé des Mrs. Atkins et Grosvenor, afin de justifier ainsi mon attention pour Liliane. Celle-ci avait parfaitement compris ma diplomatie, et c'était là notre secret, caché à tous les autres. Toutefois, les regards et les rapides échanges de paroles cessèrent bientôt de me contenter. Cette blonde jeune fille m'attirait vers elle avec une force irrésistible. Je rêvais d'elle toute la journée, et même la nuit, lorsque, harassé, après l'inspection des sentinelles, et enroué par les fréquents « all right », je montais dans une voiture et, enveloppé dans ma peau de bison, je fermais les paupières pour dormir. Il me semblait alors que les moustiques qui bourdonnaient autour de moi me chantaient sans cesse « Liliane, Liliane, Liliane ». En songe, elle m'apparaissait constamment. Réveillée, ma première pensée s'envolait vers elle. Mais chose étrange, pas un instant, je ne crus que le jour nouveau, teinté de rose, sous lequel tout m'apparaissait, que mes pensées s'envolant à la suite du véhicule où se tenait la jeune fille, je ne crus pas un instant que tout cela fût de la pitié pour une enfant solitaire, mais bien un sentiment plus puissant, donc un homme, quand son tour est venu, ne saurait se libérer. Peut-être l'eussais-je remarqué plus tôt, si je n'avais vu tout le monde subir comme moi son charme. Chacun l'aimait comme son propre enfant, l'épreuve n'en manquait pas. Les compagnes étaient des femmes de conditions ordinaires, de sentiments vulgaires. Or, j'ai vu plus d'une fois Mrs. Atkins, l'être le plus gigantesque de la terre, peigner le matin les cheveux de Liliane et l'embrasser avec une tendresse maternelle, pendant que Mrs. Grosvenor réchauffait dans ses mains les menottes transies de la jeune fille. Les hommes l'entouraient également des soins les plus délicats, et surtout, parmi eux, un certain Henry Simpson, jeune aventurier de Kansas, tireur émérite, nullement mauvais garçon, mais si arrogant et grossier que j'avais dû, dès le premier mois, le corriger à deux reprises pour le convaincre que j'avais le poing plus solide que le sien et une plus grande autorité dans le convoi. Il fallait voir cet Henry parler à Liliane. Lui qui tenait pour rien le président des États-Unis lui-même, perdait en présence de la jeune fille tout son aplomb, demeurait la tête découverte et répétait à chaque instant « I beg your pardon, Miss Morris ». Il ressemblait fort à un bulldog à la tâche. Néanmoins, on voyait que ce bulldog était prêt à saisir n'importe qui à la gorge, sur un signe de la main enfantine de Liliane. Au halte, il cherchait à se rapprocher d'elle pour lui rendre de menus services. Il allumait le feu, choisissait un endroit abrité contre le vent et le matelassait de mousse tout d'abord, puis de ses couvertures. Mais il faisait tout cela avec une timidité et une délicatesse que je n'aurais pas soupçonné chez lui, ce qui provoquait en moi un sentiment assez voisin de la jalousie. Toutefois, je devais cacher mon irritation au fond de mon cœur. Henry, quand ce n'était pas son tour de garde, pouvait agir à sa guise, se trouver auprès de Liliane, alors que mes devoirs absorbaient tout mon temps. Je l'ai déjà dit, pendant la route, les chariots se suivaient en longue file. En revanche, quand nous eûmes pénétré dans le désert, je les fis disposer, au halte de midi, sur une seule rangée et serrer roue à roue. On s'imaginerait difficilement les efforts que me coûtait cet alignement indispensable pour la défensive. Les mules, sauvages et indociles, au lieu de se ranger, ou s'ancraient sur place, ou refusaient de quitter la route tracée. Elles se mordaient entre elles et poussaient des cris perçants. Au tournant brusque, les chariots versaient fréquemment, et il fallait beaucoup de temps pour relever ces véritables maisons de bois et de toile. Le cri des mules, les jurons des conducteurs, le tintement des grelots et l'aboiement des chiens se mêlaient dans un concert infernal. Enfin, lorsque, tant bien que mal, on avait mis tout en ordre, il fallait encore dételer et désigner ceux qui devraient conduire les bêtes au pâturage et ensuite à la rivière. À ce moment, les émigrants s'enfonçaient dans la prairie à la recherche du gibier. Les brasiers étaient allumés et seulement alors je pouvais trouver un instant pour casser une croûte et prendre un peu de repos. Aussitôt après, le travail redoublait, car après la halte, quand il fallait se remettre en route, l'attelage des mules provoquait encore plus de soucis et de paroles que le dételage. Les conducteurs rivalisaient entre eux d'activité pour se devancer et s'assurer les côtés de la route moins défoncés que le milieu. Des discussions d'Erics s'ensuivaient et retardaient le départ. Il me fallait tout surveiller, chevaucher en avant pendant la marche, immédiatement après le guide, afin de reconnaître le terrain et de choisir d'avance les endroits les plus propres, à proximité de l'eau, à l'installation du bivouac pour la nuit. Souvent j'ai maudit mes fonctions de capitaine, et pourtant, d'autre part, je pense avec fierté que dans tout cet immense désert, j'étais le premier à me trouver face à face avec lui, et que le sort de Liliane et de tous mes compagnons était entre mes mains.